22-23, observation, accord du participe passé dans les verbes réfléchis. Un, elle a mis ses lunettes. Deux, elle s'est mise au travail. Dans la phrase 1, ses lunettes est l'objet direct du verbe. Dans la phrase 2, le pronom réfléchi, s'apostrophe, est l'objet direct du verbe. Je me suis mis au travail. Il s'est mis au travail. Je me suis mise au travail. Elle s'est mise au travail. Nous nous sommes mis au travail. Ils se sont mis au travail. Nous nous sommes mises au travail. Elles se sont mises au travail. Dans les temps composés, les participes passés des verbes réfléchis s'accordent avec l'objet direct placé avant le verbe. Cet objet direct est souvent le pronom réfléchi. Quand il est féminin pluriel, par exemple, le participe a la terminaison ES. Elles se sont mises. Accord. Marie-Laure s'est lavée. Pas d'accord. Marie-Laure s'est lavé les mains. Accord. Marie-Laure se les est lavées. Remarquez que quand il y a un objet direct placé après le verbe, ici les mains, il n'y a pas d'accord.